Bienvenue sur la Radio Moderne, le balado 39 de Miguelito Lovelace. Au programme cette semaine, Nursery's Wound, The Cult, Green on Red, System Lilliput, John Mayer, House of Freaks, Bloom, Press Gang Metropole, The Liars, No Tears, The Damned et Giant Panda Guerrilla Dub Squad. C'est parti! Le centre d'intérêt de la culture des médias avait toujours été New York et Los Angeles, une chose qui dissimula malheureusement la véritable documentation punk. Pourtant, ce qui rendait le punk rock si dynamique dans les 80s, c'était l'esprit « do it yourself » qui affleurait à Chicago, Austin, Lawrence, Minneapolis, Philadelphie, Phoenix, Reno, Seattle, Indianapolis, Cincinnati, Norman, Des Moines et d'innombrables autres régions du pays. Il y a eu des scènes et des groupes géniaux. Trop d'histoires ont été rabâchées inlassablement sur les suspects habituels, alors que de nombreux groupes, même meilleurs que les plus encensés, ont été en grande partie ignorés. Puisque le punk rock était censé être un mouvement d'anti-héros, c'est une tragédie de laisser les gagnants écrire son histoire et de faire des héros de la contre-culture des personnes qui n'étaient pas censées représenter davantage que des égos stimulant l'inspiration. Extrait de Going Underground de George Urshala. Never satisfy your soul. I've been down. carrefour Edgar Quinet, Joss remis à ses haines nostalgiques dans la doublure de son esprit et s'apprêta à rattraper son retard. Toutes ces affaires de marque café, de guerre des choses et de guerre des hommes lui avaient bouffé un quart d'heure au bas mot. Or, la ponctualité était un élément clé dans son travail et il tenait à ce que la première édition de son journal parlé débute à 8h30, la seconde à 12h35 et celle du soir à 18h10. C'était les moments de plus grosse affluence et les auditeurs étaient trop pressés dans cette ville pour endurer le moindre délai. Pars vite et reviens tard, Fred Vargas. Born and raised, like Sobran and streets of gray, I was brought up in brighter days. It's good to say now I'm born and raised. Born and raised, and half the time. When you're born and raised, we'll be right back. Marcus Holen. La commune AA était une grosse affaire dans les années 70. Ça voulait dire Action Analyse. Elle fut inventée par cet artiste de Vienne, Otto Mühl. Je n'en faisais pas vraiment partie. À Düsseldorf, nous avions juste une sorte de filiale. Il y avait aussi un groupe. Nous faisions de la musique dans le genre de Paul et Limp Fuchs, des artistes qui se peignaient le corps en noir et jouaient sur des instruments faits maison. Nous sommes alors rasés la tête, avons dansé dans la boue et avons été faire des apparitions dans des centres commerciaux. Dilapide ta jeunesse. Here I stand on the shore. It brings calm and feels like home. A breathless whisper will heal my wounds. The night will cover all silent tears. For endless days, for endless vibes, let's get away to find the light. For endless nights, for endless fights, let's get away. We rise from grave. We'll be right back. C'est joli, ça, le monsieur a fait prendre. Donc... Alors que Secret Story s'achève sur les écrans français, la version hollandaise débute cette semaine. Elle ne contient qu'un épisode, et vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir, je m'appelle Cinderella. Je suis mannequin dans la vie, mais j'ai un secret. Bonsoir, je m'appelle Virgilien. Dans la vie, je suis DJ, mais j'ai un secret. Bonsoir, moi je m'appelle Shanana. Dans la vie, je suis gardienne d'immeuble, mais en fait, j'ai un secret. Bonsoir, moi je m'appelle Roméo. Dans la vie, je suis barman, mais j'ai aussi un secret. Bonsoir, moi c'est Anne-Marie-Sophie. Dans la vie, je suis expert comptable, mais j'ai aussi un secret. Bonsoir, moi je m'appelle Morgan Marie. Dans la vie, je suis professeur de jet ski, mais j'ai aussi un secret. Merci, mesdemoiselles et messieurs. Maintenant, chers téléspectateurs, voici les secrets. Parmi ces 6 candidats, il y a un con, un con, un con. 6 cons qui se cachent. Alors, j'ai pas entendu, c'est quoi les secrets ? Mais en fait, apparemment, c'est tous des cons. Ça va être dur de trouver. Secret Story, une émission regardée par des cons. Je tiens vraiment à m'excuser auprès des fans qui commençaient à adorer cette série. Hein. Marquez, ils ont déjà oublié, ils sont tellement cons. Watch the sunrise. love me again. Des majorités écrasantes qui écrasent, des partis dominants qui dominent, des pouvoirs absolus qui gouvernent de façon absolue. Please help me. Woo! trouble me, I never trouble you. Thank you.